Vous écoutez C'est Fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. Nous recevons la très sympathique Sophie Laforêt. Sophie, bonjour. Bonjour. Sophie, tu nous parles des principales sorties cette semaine? Oui, en fait... Sorties musicales. Oui, sorties musicales CD qui ont attiré mon attention. Oui. Donc, il y a le DJ allemand Boys Noise qui sort l'album Power aujourd'hui. Tokyo Hotel avec l'album Humanoid. Il y a Mathieu Chedid, qu'on surnomme M, chanteur français, qui sort l'album Mister Mystère. Mm-hmm. Ensuite, deuxième album de l'auteur, compositrice, interprète québécoise d'adoption, Andrea Lindsay, puisqu'elle vient de l'Ontario au départ. Donc, c'est une anglophone qui s'est mise à la langue française dans ses chansons. Donc, son deuxième album sort aujourd'hui. Ensuite, le duo électro-français Air sort un sixième album du nom de Love 2. Le trio montréalais We Are Wolves sort un troisième album du nom d'Invisible Violence. Je m'en allais dire Invisible Violence, mais bon, on peut le dire en français. Bon, on peut le dire en français, c'est une bonne traduction. C'est une bonne traduction. Puis pour terminer, la formation de Gossip sort l'album Music for Men, eux qui font dans le funk électro-rock. Il y en a une foule de sorties, de nouveautés musicales. Ah oui, l'automne amène ça beaucoup. Et j'imagine que tu en passes même, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça encore. J'en passe, oui. C'est le principal qu'on retient. Oui, je sais que les Backstreet Boys aussi sortent un album aujourd'hui, mais je l'avais pas mis à ma liste. Je suis pas sûr qu'on va en discuter. Et voilà, c'est pour ça que ma liste se termine ici. On va laisser ça à certaines autres stations spécialisées en ce qui concerne les Backstreet Boys, puis oui. Dogmatic. Et compagnie. OK, Sophie, tu nous parles aussi du nouvel album de Xavier Caféine. Oui, donc son deuxième album, Bushido, est paru en fait mardi dernier, le 29 septembre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, Bushido, peut-être, avant d'aller entendre une pièce? Oui. C'est, en fait, ça vient du japonais, ce qui veut dire le code des principes moraux que les samouraïs japonais étaient tenus d'observer. Oh. Alors, c'est vraiment songé comme titre d'album. Oui. Donc, ce que je vous propose, avant d'en parler plus longuement, c'est d'entendre le premier extrait qui s'intitule « Le métro ». Le métro. On écoute ça immédiatement, la pilule du lendemain. Ah, c'est fou, 89.1 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. Yeah. Le métro, tiré du nouvel album de Xavier Caféine. Sophie Laforêt, tu en penses quoi de ce... Bon, là, c'est sûr que ça donne pas une bonne idée. On a seulement écouté une pièce, on en écoutera une autre tout à l'heure. Mais tu en penses quoi? Ce que j'en pense, bien, peut-être avant d'en venir à ce que j'en pense, oui. Je vais un peu faire un petit topo, justement. Bon, mais tout d'abord, Xavier Caféine, c'est son deuxième album. Le premier album, Gisèle, qui était paru il y a 3 ans, avait connu un succès, on peut dire, parce que Xavier Caféine a été avec la formation qui s'appelait avant Caféine, simplement. Puis, ils n'ont jamais connu autant de succès que Xavier Caféine avec cet album-là. Gisèle, qui était dans un rock-punk assez... ça déménageait pas mal, encore une fois, parce que Bushido reste dans cette vague-là quand même. Puis Xavier Caféine a souvent été comparé à des formations d'indie-rock internationales, comme je sais que pour Gisèle, il avait été comparé à Franz Ferdinand au niveau des arrangements musicaux qu'il était capable de faire. C'est pas rien, là. C'est pas rien, parce que Franz Ferdinand a fait sa place assez vite aussi au niveau international. Puis donc, c'est un artiste qui est assez unique en son genre, là, sur la scène québécoise, là, je dirais, dans ce genre de rock assez éclaté qu'il peut nous offrir. Il est pas mal le seul, là, à ma connaissance, là, à offrir ça. Okay. Puis donc, ce que je pense de Bushido, c'est que c'est un bon album, mais que contrairement à Gisèle, un peu moins accrocheur. C'est-à-dire qu'à la première écoute, on reste un peu sur nos gardes, on sait pas trop. Puis dès la deuxième écoute, on se met déjà à fredonner les airs les plus accrocheurs de cet album-là, qui sont, à mon avis, Le métro qu'on vient d'entendre, qui est une pièce là, assez éclatée, encore une fois, Le voyage dans le temps et Vive la mort aussi, qu'on va entendre tantôt, qui sont les 3 pièces qui m'ont le plus accroché lors de la deuxième écoute. Puis donc, la musique de cet album-là est un peu moins prévisible que sur Gisèle. Puis moi, c'est un côté que j'ai apprécié. Je trouvais que Gisèle, souvent, une fois qu'on avait entendu le premier couplet, le premier refrain, c'était la même chose du début à la fin. Il y a plus de variantes dans les pièces de cet album-là, Bushido. Puis, du point de vue de Xavier Caféine, bien, il aime toujours autant notre mode de vie nord-américain, le capitalisme, le G8, et etc. Là, je dirais qu'il n'a pas changé ses positions là-dessus. D'accord. Qu'il partage assez facilement sur pas mal toutes les pièces. Donc, ce qui s'ajoute aussi au niveau de sa musique, c'est un côté plus new wave, plus glam, qui rappelle des groupes britanniques parfois, qui s'ajoutent à ce qu'on connaissait déjà. On recommande ou on recommande pas? Mais moi, je vais avec un 3 sur 5. Ah, puis j'aurais pu donner 3.5 parce que même si je suis pas une fan de Xavier Caféine, je l'avoue, j'ai quand même aimé l'écoute de Bushido. Ça n'a pas été souffrant du tout, là. Ça a même été plaisant. C'est juste que c'est moins dans ma branche là, de ce que j'écoute habituellement, mais... Mais 3.5, c'est quand même bien parce que c'est la note la plus élevée que tu as donnée depuis qu'on a commencé. Tu as commencé tes critiques d'album, donc c'est quand même pas si mal. On attend toujours un 4 ou un 4.5. On a hâte au jour. À stéréotonine. OK, Sophie, tu nous proposes l'écoute d'une pièce pour conclure ou tu as autre chose à ajouter? Ben, peut-être pour conclure, c'est que son album est en écoute complète sur le www.xaviercaféine.com. Donc, ça peut vous donner une bonne idée avant de passer à l'achat. OK. Puis sinon, le 29 octobre prochain, il sera au Club Soda de Montréal pour un premier spectacle concernant cet album-là, Bushido, deuxième album de Xavier Caféine. Et la pièce qu'on va entendre en conclusion, c'est la pièce « Vive la mort ». Oui, vive la mort. Et demain, Sophie, tu nous proposes quoi comme petite chronique? Eh bien, demain, ce sera la conférence de presse en avant-midi de la Ligue d'improvisation musicale de Trois-Rivières. Oui. Donc, on en parlera un peu, en fait, avant la conférence de presse, puisque la chronique sera à 8h15. 8h15, exactement. OK. Donc, ça reste à voir. Oui, à demain. Et surtout à entendre. Oui. Bonjour, Monsieur Blais. Debout, là. Il est 7h, c'est l'heure de prendre votre pilule. Oh boy, ouais, c'est bien vrai, ça. Oubliez de prendre ma pilule du lendemain, ma merveilleuse pilule. La pilule du lendemain, c'est ton émission du matin. 2 heures d'information, de culture, de sport et de divertissement. Tout ça agrémenté des palmarès de Cifou. La pilule du lendemain, c'est du lundi au jeudi, de 7h à 9h. La pilule du lendemain est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. La pilule du lendemain, c'est l'ultime remède.